les gains, veux tout conquérir de mes mains. J'ai un appétit mercantile, la moindre dépense est futile. Je suis une créature cupide, défenseur de l'économe. J'épargne et je reste lucide, suis-je simplement un homme? Je ne veux rien donner, mais au contraire, tout garder. Épargner, calculer, ne rien dépenser. Je dois posséder, dans mes gènes c'est ancré. Je suis une créature cupide, défenseur de l'économe. J'épargne et je reste lucide, suis-je simplement un homme? Mon modèle est Harpagon, Mammon et mon démon. Je veux tout posséder et surtout ne rien donner. Je suis une créature cupide, défenseur de l'économe. J'épargne et je reste lucide, suis-je simplement un homme? On me traite de gripsou, j'aime compter mes sous. L'avarice est mon vice, je suis un égoïste. Je suis une créature cupide, défenseur de l'économe. Épargne et je reste lucide, nuis-je simplement.